Comme à son habitude, avec nous ce midi, comme tous les mercredis, mais ce midi, tu commences l'émission, Raymond. Et puis, bonjour, première des choses. Oui, effectivement, bonjour. Mon Dieu, que je suis impoli à midi. Ça n'a pas d'allure. Justement, tu voulais nous parler un peu de regard sur le big data et les possibilités offerte par sa cartographie et son exploration. Exactement. On parle souvent, en fait, des données qui sont générées en quantité assez importante, qui sont disponibles sur Internet, des données ouvertes, des données privées. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là et de quelle manière on peut les représenter? Quel genre d'analyse on peut aller chercher là-dedans? Alors, je me suis dit, au-delà, justement, des grands concepts, allons chercher peut-être quelques exemples d'applications. Et je pense, en fait, un exemple d'application quand même assez spectaculaire, entre guillemets, des données et de leur analyse, c'est notamment dans les concepts de sécurité. Oui. Je suis tombé, et c'est un projet qui m'a assez surpris, je dois dire, une initiative de chercheurs de l'Université du Wisconsin qui travaille avec Google Street View. Donc, on connaît tous, en fait, l'idée de Google d'aller photographier donc différentes villes, différentes rues, différentes artères d'un peu partout dans le monde. Et donc, l'idée, de leur côté, c'est d'essayer d'intégrer un algorithme d'analyse des images de Google Street View. On sait déjà quelque chose qui existe, donc d'analyser des images. On le fait avec notamment les caméras de surveillance sur les rues. Il y a des entreprises qui le font même ici à Québec pour essayer de déterminer la densité du trafic, les tendances du trafic. Et eux se sont dit, si on de l'appliquer au crime. Donc, ils ont choisi différentes approches visuelles, des critères comme les graffitis visibles, la présence de barreaux aux fenêtres, des traces de brûlures sur le sol, l'espacement entre les maisons. Donc, des données comme ça qui permettent de catégoriser un quartier. Et à partir de ça, ils ont été en mesure d'essayer de déterminer si un artère, si un quartier était plus propice au crime que d'autres quartiers. Donc, simplement avec les photos. Et là, le nom est vachement bien choisi parce qu'on peut penser aisément à Big Brother, soudainement, et on parle de Big Data. Et j'ai envie qu'on aille même un peu plus loin avec le crime. En fait, on fait un pas de plus avec un autre projet qui s'appelle le Consolidated Records Intelligence Mining Environment, ou CRIME, avec un nom quand même assez sympathique. Ça, c'est du côté de Vancouver. Et donc, eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est pousser les choses un peu plus loin. Donc, ils sont associés d'un côté avec IBM pour essayer de monter une database des crimes et délits passés, donc au fil des années, pour essayer d'identifier en temps le plus réel possible les lieux et les sites à surveiller. Et ils sont associés aussi avec un groupe de chercheurs de l'UCLA mené par le professeur Jeff Bradingham. Et ils ont décidé, eux, d'analyser 13 millions de crimes. Et à partir de cette analyse-là, d'être en mesure de déterminer où les crimes pourraient avoir lieu avant qu'ils aient lieu. Avec un principe de corrélation, finalement. Exactement, avec des algorithmes prédictifs. Donc, selon les tendances, on pourrait s'imaginer que si ceci en prenant différents types de facteurs en compte. Et donc, on amène des propositions. Bon, c'est pas précis comme lieu. On ne sait pas la personne, la pensée, le reste, mais on sait que normalement, dans tel quartier, il y aura un risque, par exemple, criminel plus élevé pour les 12 prochaines heures. Ah, j'imagine déjà les politiciens un peu opportunistes se servir de ces outils-là pour expliquer la forte présence policière dans un quartier donné. Mais là, il y a plein de choses qu'on peut cartographier. Par exemple, cartographier la criminalité et la prédire, comme tu disais, mais aussi le potentiel économique d'une certaine localisation. Exactement, mais dans le fond, l'idée, c'est qu'avec les mêmes algorithmes qu'on va intégrer, moi, par exemple, je veux m'ouvrir un commerce, avec ces données-là, des données liées au coût, évidemment, du lieu où je veux m'établir, des transports disponibles, la fréquentation de ce lieu-là, donc avec simplement des données liées au transport, liées à l'urbanisme, je suis en mesure de voir également si le lieu où je me propose de m'installer est un lieu où il y a un réel potentiel économique. C'est le genre d'application qui existe déjà, qui se développe même ici à l'université. Il y a des chercheurs qui l'ont fait, mais au niveau des maisons, donc de l'achat domiciliaire. Donc, combien ça me coûterait en transport, en impact environnemental, si je m'achetais une maison dans tel secteur? Est-ce que j'aurais avantage à aller avec d'autres secteurs? Alors, simplement, dans le fond, l'idée, c'est que selon les jeux de données qu'on intègre, selon les algorithmes qu'on développe, on est en mesure d'aller chercher différentes données d'aide à la décision qui sont quand même assez précises quand on y pense. Bien, assez précises et assez précieuses aussi parce qu'on connaît le taux de faillite, surtout pour les petites entreprises locales. quand même assez élevé, surtout quand c'est pas des coopératives. Donc, c'est des données assez intéressantes, merci. Ça, c'est, on parle aussi de cartographie, mon préféré personnel, bien entendu, puisque je suis un fervent de la sauvegarde d'énergie dans notre société, et on peut cartographier la consommation d'énergie d'un lieu. Exactement. Il y a plusieurs projets pilotes, en fait, qui sont en développement là-dessus, surtout du côté européen. Il faut dire que là-bas, les enjeux énergétiques ne sont pas les mêmes qu'ici. Il n'y a pas notamment tout le potentiel de l'énergie hydroélectrique qu'on retrouve là-bas. Donc, on développe beaucoup plus des approches alternatives. Et également, il y a quand même pas mal d'énergie ou de sources d'énergie qui viennent en ligne de compte. Alors, ils ont décidé de mettre de l'avance des systèmes de compteurs intelligents. Et l'idée de ces compteurs-là, c'est que ça va envoyer en temps réel des données quant à la consommation d'une maison, d'un domicile, etc. Donc, d'un côté, pour l'usager, bien, ça me donne des informations quant à ma consommation d'énergie en temps réel. Donc, ça me permet de voir, OK, telle chose, peut-être de faire des corrélations avec mon activité à moi, voir l'impact de mes choix. Également, ça permet aussi de voir l'impact de mes choix en fonction de la température. Donc, d'un côté personnel, c'est assez intéressant. Mais si on élargit à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une région, bien, ça veut dire aussi qu'on peut voir les flux de demande énergétique, essayer de faire des corrélations selon aussi, les heures, selon les heures de grande écoute télévisuelle aussi. Généralement, on a une grande consommation d'énergie à ces moments-là. Exactement. Et donc, d'essayer, dans le fond, d'orienter et de choisir de faire les choix de gestion énergétique en fonction de la demande de manière assez précise. Donc, de dire, OK, à tel moment, encore là, on rentre dans le prédictif, mais on peut s'imaginer que, considérant les tendances des dernières semaines, dans telle circonstance, il y avait telle hausse de demande. Donc, on peut s'imaginer qu'il y aura encore telle hausse, réorienter des flots, aller solliciter des énergies alternatives et là, subitement, pouvoir avoir une gestion beaucoup plus précise dans le fond de l'énergie plutôt que d'avoir une demande standardisée selon les périodes de la journée. On le fait déjà quand même un peu, mais d'aller encore plus précis avec pratiquement d'heure en heure, de jour en jour, de minute en minute. Là. Prévenir au lieu de guérir, pratiquement. Et là, on peut cartographier la ville au point de pouvoir y jouer et faire un SimCity version hyper poussée. Là. Oui, en fait, c'est un jeu qui a été lancé, qui va être lancé prochainement, qui s'appelle Watch Dogs. C'est du côté d'Ubisoft. Ça va être bon, ça! Vous l'avez peut-être vu passer. Je suis tombé là-dessus et j'ai trouvé ça assez rigolo. Enfin, ils ont déjà rendu public. Bon, ça va se passer à Chicago, mais ils ont rendu public pour l'instant des cartes d'autres villes. Et ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'ils ont décidé d'utiliser des vraies données. Oui. En fond, il y a déjà des jeux de données qui sont disponibles de la ville, donc des données cartographiques, évidemment, mais avec ça, on peut aller chercher des données publiques aussi sur les rames de métro, la fréquence des métros, la fréquence des autobus, le lieu des hotspots Wi-Fi, donc de sans fil, les abribus, etc. Donc, vraiment, toute l'information qui est disponible à partir des données. Et donc, d'essayer de créer une espèce de simulation de la ville, donc presque en temps réel, donc de reproduire un peu les activités qui pourraient s'y trouver, ou à tout le moins géographiquement, que ce soit le plus précis possible. Puis est-ce qu'on pourrait avoir Montréal ou même Québec dans un futur proche? Ben pourquoi serait génial. Pas. Pourquoi pas? Mais dans le fond, les données existent déjà. Okay. Donc, c'est ce genre de représentation, un genre d'exercice qui peut être fait. Donc, à partir des données cartographiques, à partir des données ouvertes, disponibles. Donc, on peut étendre, dans le fond, le développement d'applications à développement de simulation 3D, de représentation tridimensionnelle, sachant que même au départ, la ville a déjà en main une simulation 3D de Québec, donc un modèle 3D qui existe, qui pour l'instant est utilisé pour des raisons urbanistiques. Oui. Donc, quand on veut mettre en place un bloc appartement, refaire un peu de l'environnement urbain, bien, on peut l'intégrer et voir un peu les impacts autour de ça. Et c'est le genre de processus qui est utilisé pour le jeu et qui, dans certaines villes, on peut penser à Rennes aussi, qui ont décidé d'intégrer justement des modèles 3D comme ça et que ça devient utilisé dans un contexte de médiation urbaine. Donc, d'aller essayer d'expliquer aux citoyens, quel sera l'impact? Et plutôt que de se fier avec des dessins qui peuvent être tendancieux selon les couleurs, selon l'animation qu'on y place. On peut faire dire ce qu'on veut à un graphique. Hein? Exactement. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités. On l'a vu aussi dans des débats à Québec même, autour justement de certaines constructions. Donc, les gens disaient, regardez, les plans que vous nous donnez sont un peu tendancieux ou la représentation est peut-être un peu idyllique. Ça ressemblera pas à ça quand ça va être terminé au niveau de l'aménagement. Alors, avec une simulation 3D, avec un plan 3D de la ville, on peut avoir... C'est plus juste. C'est plus juste. C'est très précis. On peut pas jouer avec ça parce que c'est des données qui sont réelles. Et à la limite, comme on a un système informatique, mais après ça, on peut choisir aussi de rentrer d'autres simulations par rapport à l'ensoleillement, etc., etc. Donc, c'est déjà le genre d'exercices qui sont faits du côté des décideurs, des modèles, du moins, qui sont utilisés à disons, certains degrés et qui peuvent être de plus en plus utilisés. Donc, d'un côté, on aurait le ludique, de l'autre côté, on aurait le pratico-pratique aussi. Tout à fait. Et ça me fait penser aussi, je voulais revenir brièvement sur la criminalité, en fait, et ses potentiels dérapages. Bon, on a comme pas trop le choix maintenant. On dirait que les gouvernements sont un peu en retard présentement avec l'avènement des données ouvertes, des données technologiques, ne serait-ce qu'avec les médias sociaux. On est extrêmement en retard. Et là, les citoyens échangent beaucoup d'informations entre eux et elles. Et là, on dirait que le gouvernement est dépassé. Et même, en fait, côté information, j'ai presque envie de terminer avec ça parce que je trouve ça assez rigolo. Juste avec Twitter, il y a des chercheurs qui, à un moment donné, avaient décidé, je pense que c'était autour de 2011-2012, de faire une espèce de baromètre du bonheur de leur ville. Okay. Donc, ils avaient essayé de prendre tous les comptes Twitter qui étaient géolocalisés dans leur ville. Ils avaient inséré un algorithme d'analyse avec des mots-clés qui étaient associés à des émotions négatives, des émotions positives. Et après ça, ils étaient en mesure de savoir si les gens étaient heureux ou non. Et ça avait éventuellement été étendu dans une expérience un peu plus vaste. Et ils s'étaient rendu compte notamment que les gens étaient plus malheureux quand ils étaient chez eux versus quand ils étaient en voyage, ouais. Des choses comme ça. Mais subitement, on pouvait cartographier le bonheur, donc simplement en utilisant des mots-clés, des choses comme ça. C'est génial. Ça montre le potentiel aussi des médias sociaux et du reste, donc l'importance de sauter dans ce wagon-là. Oui, oui, oui, et de s'en joindre le plus rapidement possible et de faire les nouvelles lois et les nouveaux règlements en fonction des médias sociaux pour éviter justement les dérapages. Raymond Poirier, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? @itis_ul ou itis.ulaval.ca. On vous remercie encore une fois.